voiture en carton. J'étais le maître de la route. J'avalais les kilomètres quand je traversais nos bons villages de dont les habitants s'éperluaient devant la vitesse de mon engin. Je poussais les caisses et repasse.